Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 8 juin 2016 de Méloman qui espère que vous avez passé une belle semaine depuis notre dernière rencontre funky de la dernière émission, notre grand spécial funk qui nous a donné le goût de danser et qui a remporté un vif succès grâce à vous, chers auditeurs. Gros merci, comme toujours, de vos bons commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et donc, ce soir, on bifurque encore et toujours vers un monde musical très, très lointain de notre funk de la semaine dernière. Quoique, on va peut-être voir des petites influences à gauche, à droite. Mais bref, il faut quand même avouer que ça va être un petit peu plus pointu ce soir parce qu'on explore le vaste monde du rock progressif des années 70. Donc, on va être dans les ambiances assez particulières, disons. Quoique, ça a quand même été assez populaire au Québec, particulièrement au Québec. Beaucoup de groupes de progressifs qui le disent. Si vous connaissez moins ce genre-là, prenez une chance. C'est une musique qu'il faut écouter peut-être un peu différemment. Il faut laisser le temps aux pièces de se déployer dans toute leur splendeur. Et habituellement, ça vaut vraiment la peine. Il y a une belle sélection et c'est en plein temps de le découvrir. Et à l'opposé, si vous êtes un fan de prog, eh bien, c'est l'équivalent de votre fête ce soir. Et justement, on va partir ça d'une façon qui est peut-être pas la plus originale pour un initié du genre. Mais je pense qu'historiquement et musicalement, c'est pas mal la façon d'amorcer un spécial prog. Parce qu'on part avec la toute première pièce de ce que plusieurs considèrent comme le tout premier album de rock progressif. On est en 69 et on écoute bien sûr King Crimson au 99.1 CFNJ. 99.1 et 88.9 CFNJ. Boys, we'd rather make it with a lynching free. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 et toujours en plein spécial rock progressif ce soir aux grandes dames des uns et au plaisir des autres, que voulez-vous, mais je pense quand même qu'on va rester dans le relativement accessible et qu'il va y avoir des découvertes à faire ou à refaire. Et Jethro Tull, bien sûr, qu'on vient d'entendre avec la fameuse flûte traversière, Dean Anderson. D'ailleurs, c'est un instrument qu'on va entendre beaucoup ce soir, très présent dans le monde du rock progressif. Donc, Jethro Tull avec Cross-Eyed Mary, tiré d'Aqualung en 71, qui suivait encore une fois de la flûte avec Rider de l'excellent groupe Camel en 1975. Et sinon, on était dans les classiques purs et durs avec facilement un des groupes les plus importants du genre et certainement un des plus populaires au Québec à l'époque. J'ai nommé, bien sûr, Genesis avec Peter Gabriel qui nous en mettait plein la vue avec ses costumes de scène et Phil Collins qui jouait du drum comme s'il n'y avait pas de lendemain. On a entendu The Return of the Giant Hogweed tiré de l'album Nursery Crime de 71. D'ailleurs, on a entendu une technique de guitare qu'on appelle le tapping qui a été popularisée plus tard par Van Halen, mais ça datait d'avant ça. On a entendu Steve Hackett faire ça ici. Et tout ça qui a commencé avec l'inévitable 21st Century Schizoid Man tiré du fameux In the Court of the Crimson King à la pochette iconique, un album considéré comme le tout premier de prog, ou du moins qui est venu consolider ce que le prog allait être dans les années 70, parce que c'est un album de 1969, on en avait déjà parlé à l'émission, Robert Fripp, King Crimson, des pionniers du genre. Et là, je vous le dis, la prochaine est peut-être un tout petit peu moins accessible, mais quand même un groupe extrêmement important de la scène progressive, des musiciens chevronnés, un peu fous, et c'est peu de le dire. On écoute Gentle Giant, 99.1 CFNJ. You may not have all you want or you need. All that you've had has been due to my hand. It can change, it can stay the same. Who can say, who can make that claim? We are in at this time, neither a good one, nor is it someone blessed. It can change, it can stay the same. I can say, I can. Change. avec vous partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. Thank you. 13 au 17 juin, c'est la semaine All & Oats au 99.1 et 88.9 CFNJ. All & Oats, le 21 juin au Centre Bell, grâce à CFNJ 99.1 et 88.9. All & Oats, le 21 juin au Centre Bell. Tous les jours, entre 8h et 16h, repérez la chanson All & Oats et téléphonez-nous dans les 5 minutes suivantes pour vous inscrire. 1-888-935-3437. All & Oats, 18 albums studio, 10 albums live, 22 compilations. Un finaliste par jour sera fait à 15h55 dans l'émission Le G-Show avec Ghislain Demers et le grand gagnant sera connu le vendredi 17 juin à 15h55 dans l'émission Prélude au week-end avec Élise Deschaines. Un événement signé Evenco. Avec vous, partout dans la Naudière. Centre et sud de la Naudière pour les prochaines heures partiellement nuageux, risque d'averses et d'orages, un minimum de 9 degrés. Nuageux mercredi, maximum de 16 et nuageux avec averses pour jeudi, maximum frais de 13 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, quelques averses ou orages pour les prochaines heures, un minimum de 6 degrés. Nuageux avec averses pour mercredi, maximum 12 et seulement 8 degrés jeudi, avec aussi des averses. CFNJ. Et vous êtes en plein spécial prog de Méloman ce soir. Prog qui est une abréviation de rock progressif pour les intimes. On vient d'entendre tout un classique d'un des groupes phares du genre, probablement le plus connu avec Genesis. Il s'agissait de Yes, groupe britannique d'Illuminé, avec une très longue pièce, chose qui est une des caractéristiques du rock progressif. On se le cachera pas. On a entendu Heart of the Sunrise de l'album Fragile fin 71. Un chef-d'œuvre incontesté du genre qui nous a amené un sous-genre du prog pour Yes. On parle des fois de prog symphonique parce que les parties d'instruments sont pensées différemment du combo habituel guitare, basse, batterie pour imiter ce qu'un orchestre symphonique ferait, par exemple. Des arrangements plus classiques, finalement. D'ailleurs, Rick Wakeman, le claviériste du groupe qui avait une formation classique, a pour ainsi dire initié le groupe au principe de la réexposition pour la pièce qu'on vient justement d'entendre. Une chose assez commune en musique classique. On prend un thème et on le répète plusieurs fois dans la pièce, toujours en le variant un peu. Bref, c'était nouveau dans le rock, mais ça existait depuis la nuit des temps en musique classique. D'ailleurs, la musique classique et le jazz qui vont avoir une grosse influence sur le prog en général. On pense justement à Rick Wakeman, sur le même album, avait fait une version du deuxième mouvement de la symphonie, quatrième symphonie de Brahms. Et on pense aussi à Chris Squire, grand bassiste qui est décédé presque un an jour pour jour, le 27 juin 2015, le bassiste de Yes, bien sûr. Et sinon, vous avez peut-être reconnu ce qui est devenu le thème de l'Exorciste plus tard, une pièce qui nous vient originalement d'un jeune prodige, Mike Oldfield, qui a seulement 19 ans en 73. Il s'agissait de Tubular Bells Part 1, version courte parce que 25 minutes, on y serait encore, qui nous vient de l'album du même nom, qui a la particularité d'être le tout premier sorti chez Virgin Records, célèbre étiquette de disques. Et juste avant ça, on a écouté un extrait d'un album auquel la sœur de Mike Oldfield, Sally, a participé en plus d'une foule de gros noms du genre parce qu'il s'agissait du premier album solo du guitariste Genesis, le grand Steve Hackett dont on a parlé tantôt, une pièce de 1975 qui s'intitulait A Tower Struck Down et qui suivait nos premiers Québécois de la soirée, le groupe Manège, figure de proue du genre au Québec, formé par Alain Bergeron et Jérôme Langlois en 72. Mais nous, on les a entendus plus tard en 78 avec La Noce qui suivait la très déjantée Proclamation de Gentle Giant en 74. Et nous, on y retourne tout de go avec une autre bande de joyeux Québécois. Vous allez voir que le funk de la semaine passée est pas très loin. On écoute le groupe Slush 99.1 CFNJ. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Thank you. on poursuit notre magnifique spécial consacré au rock progressif ce soir à Méloman. Magnifique au moins pour la dernière pièce qu'on vient d'entendre. C'est le seul mot qui nous vient en tête pour décrire Histoire sans parole, qu'on s'est permis d'écouter au complet pour les besoins de la cause et qui nous vient de Si on avait besoin d'une cinquième saison, deuxième opus légendaire d'Harmonium en 1975. Et imaginez-vous donc, pour ajouter à la légende, c'est une pièce que Serge Fiori a rêvé au complet. Les cinq mouvements, cinq, six mouvements, qui après ça va la retrouver de mémoire en jouant de la flûte tout en marchant sur Sainte-Catherine. Bref, un chef-d'œuvre tout simplement qui était précédé d'un petit bijou acoustique de Genesis Horizons composé par Steve Hackett, guitariste du groupe de qui on a parlé tantôt, qui s'était basé sur la fameuse suite pour violoncelle en sol majeur de Jean-Sébastien Bach. Tout ça qui nous venait de l'album Foxtrot de 1972. Et juste avant ça, Focus, un groupe des Pays-Bas avec leur plus gros hit en carrière, Hocus Pocus, sorti en Europe en 71. Mais il va falloir attendre jusqu'en 73 pour l'entendre au Québec. Et parlant du Québec, c'est avec un groupe québécois, Slush, qu'on avait commencé ça, en fait, avec leur potage aux herbes douteuses de 1975. Et on s'en va pas trop loin pour la prochaine non plus. On fait juste changer de province, un pas vers la gauche ou la droite, dépendamment de comment vous êtes placé sur la carte. On s'en va bien sûr du côté de l'Ontario avec un groupe qui, en 76, trouve sa personnalité propre. On écoute Rush. 99 ans, CFNJ. We'll be right back. don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said. You see, it's all clear. You were meant to be here from the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. FNJ 99.1 et 88.9 avec vous partout dans la Naudière. noyé entre deux îles. Elle s'est perdue entre deux eaux, avec des algues autour des chevilles, la tête en l'air comme un roseau. Elle est tranquillement disparue. Elle était là, elle n'y est plus. Il est 9h, plage idéale. À 20 minutes de Montréal, et les recherches continuent. Thank you. avec une vague qui vient mourir et les enfants au bord de l'eau vont l'enterrer sans un sourire avec leur belle et puis leur saut. Je sais maintenant l'amour, la mort. Ça prend son pli sur le même support. Ça prend son temps, ça dure longtemps. Ça prend ton âme, mais pas ton corps. Toi tu restes là, les bras vendants. Say you go. se

un incident à Bois des Filions que j'espère vous avoir fait découvrir ce soir. Tout le monde connaît Beau Dommage, évidemment, mais ça fait du bien de les voir sous un autre jour et d'entendre Michel Rivard faire un solo de guitare rock comme si sa vie en dépendait. Très bon guitariste, peut-être sous-estimé, soit dit en passant. Mais en passant, justement, désolé, le fichier a eu l'air d'avoir de la misère en plein solo de Michel Rivard, justement. Mais c'était précédé d'une autre incarnation aussi de King Crimson, qui va en avoir plusieurs et avec qui on a commencé l'émission d'ailleurs. En fait, ça va être le guitariste et compositeur et surtout membre fondateur Robert Fripp, qui va être la seule fixture au fil des années. Et on les a entendus à l'époque où Bill Bruford, batteur de Yes, va les rejoindre avec Red, pièce titre de l'album de 74 qui suivait Emerson, Lake & Palmer, un autre groupe important du prog, oui, et Greg Lake, qui lui aussi avait été dans King Crimson en passant. C'est d'ailleurs lui qui chantait dans 21st Century Schizoid Man du début de l'émission. Et on les a entendus avec From the Beginning de 72, donc Emerson, Lake & Palmer. Tout ça en ayant à l'esprit, bien sûr, que Keith Emerson nous a quittés il n'y a pas très longtemps. On leur avait fait un petit hommage à l'émission. Et on avait amorcé tout ça, ça fait longtemps, avec l'ouverture 2112, suivi des Temples of Syrinx de Rush en 76, qui cite brièvement la fameuse ouverture 1812 de Tchaïkovski. Et parlant de 76, eh bien, c'est cette année-là que Peter Gabriel, ayant quitté le bateau, Phil Collins prend les rênes de Genesis 99.1 CFNJ. Your boots away. Yeah. You don't want to fall in love. Thank you. that night? Well, it's safe to stay here. Your father's going to pick up our trail before long. Can Lorca ride? Yeah, he's right. Lorca, time to go. Thank you for everything. Is there anybody out there? Anybody out there? Is there anybody out there? We'll be right back. 99.1 et 88.9 CFNJ. Voilà qui arrive déjà à sa fin, notre grand spécial prog mélomane au 99.1 CFNJ. Tangerine Dream, qu'on entend en ce moment même, pionnier des synthétiseurs qui nous viennent d'Allemagne, avec The Big Sleep in Search of Hades, extrait de l'excellent Stratosphere de 76, qui suivait toujours la même année Spirit of the Water de Camel. Un groupe qu'on a entendu deux fois ce soir avec deux magnifiques pièces, mais je tiens à dire quand même qu'on n'a même pas pu entendre les prouesses du guitariste et membre fondateur Andrew Latimer. On corrigera le tir un de ces jours. Et sinon, beau dommage, ben oui, encore beau dommage que je vous force à écouter ce soir. Encore une fois, juste pour vous montrer leur côté prog avec Bon Débarras de 1975, qui suivait nul autre que Pink Floyd, qu'on sait pas trop classer, mais disons qu'ils sont pas très loin du prog. En fait, ils sont classés comme un groupe de rock progressif, mais c'est tellement large, tellement différent qu'on ne sait pas trop les classer. On a entendu une magnifique pièce pour guitare classique du nom de Is There Anybody Out There et jouée par un certain Joe DiBlasi, faussement crédité en passant comme Ron DiBlasi sur l'album The Wall de 1979. Le tout qui suivait encore une fois une pièce de guitare classique par Steve Howe, cette fois-ci guitariste de Yes, avec Mood for a Day, très classico-flamenco de l'album Fragile de 71. Et on a aussi entendu Gentle Giant avec Free Hand de 1975, qui suivait Dance on a Volcano de Genesis, pièce qui nous vient du premier album où Phil Collins va prendre la job de lead singer, soit A Trick of the Tail de 1976. Et c'est là-dessus qu'on se quitte, chers amis. J'espère que vous avez aimé notre émission consacrée au rock progressif. Écoutez, il y aurait eu tellement d'autres groupes que j'aurais aimé vous faire jouer ce soir. On n'avait pas beaucoup de jeux avec toutes les longues pièces qui caractérisent le style. Je pense entre autres à Aphrodite's Child avec Demis Roussos et Vangelis, par exemple. C'est quelque chose. Bref, si vous avez aimé ça, on en refera un autre, un de ces quatre. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre mélomane complètement différent. Ça devrait être un spécial 90, mercredi 21h à CFNJ. Et je vous laisse avec Van der Graaf Generator, un autre groupe important du genre, mais juste avant, en vous souhaitant une bonne nuit, une autre titre de Yes 99.1 CFNJ. Nothing to do, said, nowhere to stay.